Donc là, si on regarde sans ça. Oui, on va se brûler les yeux. On brûle les yeux. C'est l'occasion de vous faire regarder ce que vous entendez d'habitude. Voilà. Salut. Moi, je pense qu'on a fait un tour. Hein. Bon, on a tout fait. Ouais, mais je peux continuer à faire des ambiances un peu générales si vous n'y voyez pas d'inconvénients. Ouais, il y a du monde. Ouais. Alors là, les ambiances générales, c'est. Ouais, donne ma pièce et. Ouais, connard et. Le marteau. Non, la bonne idée, ça, hein. Vachement bien. Ouais, bah, c'est le Nathan. Je peux vous faire un bruit avec ça. Vas-y. Attends. Thank you.